Chaque pays sera beau. Et chacun aura le sien, et chacun aura le sien. Quand la terre sera faite, de chaque pays sera beau. Et chacun aura le sien, et chacun aura le sien. Sur la carte du monde, la Terre. Ce qu'il y a de plus réel ne s'y trouve nulle part, sinon dans les pointillés entre les pays. Oui, la Terre, juste deux minuscules pointillés. Ainsi, ce qu'il est de plus réel est toujours supprimé par les délires de... Quand la terre sera faite, chaque région sera belle, et chacune aura la sienne, et chacune aura la sienne. Vous ne pourrez jamais avoir confiance dans leur description de la réalité. Ainsi appelle-t-il Amérique le nom d'un continent tout entier, les États-Unis. Si États-Unis, c'est toute l'Amérique, c'est quoi? Les Mexicains, les Péruviens ou les Argentins? Des anti-américains, des extraterrestres. Dire Amérique pour États-Unis, c'est montrer le fond hideux de votre égoïsme. Et vous ne pouvez plus jamais, jamais avoir confiance dans leurs mots. Quand la terre sera faite, chaque pays sera beau. Et chacun aura le sien, et chacun aura le sien. La République est une et indivisible. Te sermonne-t-il? À peine il en dit qui sème partout la division en crachant Paris et la province. Pourquoi? Nous ne sommes pas du même pays si nous sommes en province. Pourquoi? Il y aura un pays supérieur, Paris. Ce sera un pays alors supérieur par sa bassesse. Province vient du mot pays vaincu. Pays vaincu, c'est bien un mot qui crée partout la division. La République est une indivisible à condition que Paris change à 100% de mentalité. Quand la terre sera faite, chaque pays sera beau. Chacun